plonge sur la terre la grimace. Hélas, sur mon froid monument, l'eau du ciel tombe tristement, mais de vos yeux, pas une larme. Casimir de la Vigne. Son âme était comme un cristal. Un souffle suffisait pour la ternir. Un rayon de soleil pour l'éclairer. Un choc pour la briser. Âme d'ange, dont le plus grand mérite est d'ignorer ce qu'elle vale. Qui ne pleure pas sur elle, mais sur la douleur, qui est notre commun partage. L'auteur. Chapitre 1er. Une traversée. Mon Dieu, ayez pitié de nous. Seigneur, sauvez-nous. Telle était la prière que, d'une voix défaillante, adressait au ciel une malheureuse femme, gisant, à moitié morte, sur le lit d'une cabine, à bord d'un bâtiment assailli par une épouvantable tempête dans la mer des Antilles. Ce bâtiment, joué des flots, au milieu de l'océan, semblait un grain de sable dans les déserts de l'Arabie. Dans sa lutte désespérée avec la mer, tantôt il s'élevait sur les vagues et semblait aspirer vers le ciel, tantôt il retombait dans l'abîme prêt à l'engloutir. Des lames écumeuses s'élançaient jusqu'à la cime des mâts et, de leurs blanches griffes, s'efforçaient de saisir leur proie. Puis elles retombaient furieuses et battaient les flancs du navire, indignées de l'audace de ce morceau de bois qui ne craignait pas de leur résister. Image de la persévérance qui souffre sans se décourager, le brave navire luttait courageusement contre le danger. Toutes les voiles avaient été carguées. Le bâtiment naviguait, comme on dit en termes de marine, à mâts et à cordes, telles que des femmes éplorées qui, les cheveux épars et les bras étendus vers le ciel, implorent dans le danger la miséricorde divine. Tels les mâts et les vergues avec leurs forêts de cordages en désordre s'élevaient dans les airs, semblant implorer le secours du Tout-Puissant. De sombres nuages répondaient par le bruit du tonnerre au fracas des flots rugissants, et pour ajouter encore à la situation, l'horizon, ce guide, ce fanal du marin, avait presque entièrement disparu. Ce navire, prise entre ces deux murailles d'eau qui se le renvoyaient comme fait la raquette d'un volant, semblait fatalement destinée à périr. « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» répétait l'infortuné, et sa prière restait sans réponse, car dans l'étroite cabine, il n'y avait qu'une négresse gisant à terre, en proie à la frayeur et au mal de mer, et une enfant de 6 ans, qui dormait couché au pied du lit de sa mère. « Jésus !» murmurait la pauvre femme. « Mourir, sans un prêtre pour m'assister, sans un médecin pour adoucir mes souffrances. Oh, le criminel qu'on conduit à l'échafaud est plus heureux que moi. Les consolations de la religion viennent au moins adoucir ces derniers instants. Mais mourir seul, seul, sans entendre un mot de consolation. Et ma pauvre enfant, destinée à périr aussi dans cet inévitable naufrage. Dors, mon cher ange, dors, toi qui ne sais pas encore ce que sont les peines de la vie. Ô Sainte Mère des larmes, dont elle porte le nom, sauvez ma fille, protégez la pauvre orpheline. » L'effrayante voix du tonnerre se fit entendre à ce moment. Le bâtiment reçut une secousse qui le fit trembler jusqu'au fond de ses entrailles. Le vent sifflait dans la mâture et chaque cordage semblait se dresser comme un serpent pour faire sa partie dans ce diabolique concert. « Roquet, Roquet !» s'écria la pauvre femme. « à moi, je me meurs !» À ce moment entrait dans la cabine un homme, grand, sec et osseux, porteur d'une de ces physionomies basses et vulgaires que la nature semble imposer comme un cachet particulier aux gens de basse classe qui se sont enrichis. Sur ce visage décharné s'avançaient, en saillie, d'étroites mâchoires, deux yeux ronds et gris qui semblaient ne pouvoir vivre en bonne intelligence, se cacher sous d'épais sourcils. De son énorme bouche et à travers deux lèvres naturellement contractées sortait un cigare de la Havane, dont l'usage continuel avait donné aux dents une couleur en rapport avec celle du tabac. Le teint de cet homme était de cette couleur morbide et bilieuse que le soleil des tropiques imprime aux Européens et qui se développe par les angoisses et les soucis qu'engendre la soif de l'or. « Qu'as-tu pour crier ainsi, femme ? » dit-il en entrant. « Crois-tu qu'on ait le temps d'écouter tes jérémiades ? Caramba ! Si tu as besoin de quelque chose, que ne réveilles-tu cet animal ? » ajouta-t-il en poussant du pied la négresse qui ne bougea pas. « Je vais mourir, Roque. » « Et tu ne seras pas seul. Nous allons tous périr aussi. Maudit soit le navire et le capitaine. »« Tais-toi, tais-toi. Roque, ne blasphème pas aux portes de la mort, mais écoute mes dernières paroles. » »« Tu as toujours été bien dur pour moi, Roque. Tu m'as arraché de mon pays. Tu m'as fait embarquer à bord de ce navire. » Alors que j'étais si malade, alors que les médecins prédisaient que je ne pourrais supporter la traversée. Eh bien, Roque, je te pardonne, je te bénirai même, si tu prends l'engagement d'aimer, de rendre heureuse ma fille, ma pauvre enfant, si Dieu lui fait la grâce de la sauver. « Toujours la même chanson !» répliqua brutalement Roque. « Voyez le beau moment qu'elle choisit pour m'étourdir de son sermon et me recommander qui ? Ma propre fille ? Ces moments sont les derniers dont je puisse disposer, Roque. Je vais mourir. Oui, oui, comme à l'ordinaire. Mais si tu peux disposer de tes moments pour faire tes jérémiades, les miens sont précieux pour le salut du navire, et je retourne aux pompes. » Sur ces mots, Roque franchit à grands pas les degrés de l'escalier conduisant sur le pont. Son infortunée femme l'entendit s'éloigner. Elle ne vit plus autour d'elle que la négresse, toujours dans le même état d'abrutissement, et sa fille, dormant d'un paisible sommeil. L'innocence dort tranquille au milieu des étrangers. La pauvre mère mourante essaya de se soulever pour exhaler sa vie, dans un dernier baiser, dans une dernière bénédiction donnée à son enfant. Ses forces trahirent son courage, et le simple effort qu'elle avait fait lui causa un vertige qui la retint sur sa couchette. « Oh, sainte mère des larmes » murmurait-elle au moment de son agonie. « Oh, ma mère, mon refuge, ma consolation, daigne être médiatrice entre ton humble servante et le Dieu qui nous a rachetés par sa mort. Oh Dieu, écoutez ma prière. Sauvez ma fille et prenez pitié de mon âme. Tout ce que j'ai souffert, je le pardonne. Mon pardon, mes souffrances, je mets tout à vos pieds pour le salut de mon âme, pour la conservation de mon enfant. » Le roulis devint bientôt si fort que l'enfant s'éveilla et, encore à moitié endormie, elle entendit sa mère qui murmurait. « Je baise les clous et je m'étends sur ta croix pour que tu me protèges, ô Jésus, mon doux Rédempteur. » Et l'enfant, à laquelle la mère avait enseigné cette prière, dès qu'elle avait pu balbutier une parole, répéta de sa douce voix. « Pour que tu me protèges, ô Jésus, mon doux Rédempteur. » Et toutes deux s'endormirent, mais l'une pour ne se réveiller jamais. Jésus fut sensible à leurs prières. La tempête se calma. Le capitaine et les passagers descendirent à la chambre pour prendre quelques aliments, car depuis 24 heures, personne n'avait songé à manger. On alluma les lumières, et quand le garçon d'office entra dans la cabine, occupé par Don Roque, il vit la négresse toujours gisant à terre, l'enfant endormi, et la mère, qui n'était plus qu'un froid cadavre. « Dieu nous assiste ! » s'écria-t-il. « La señora est morte !»« Morte ? Qui est morte ?» exclama le capitaine en se précipitant dans la cabine. Et le visage du brave marin, que la tempête trouvait impassible, qu'aucun danger ne pouvait altérer, pâlit à la vue de ce cadavre muet et abandonné. « Elle est plutôt morte de peur que d'autre chose, » dit Roquet, qui avait suivi le capitaine. « Voyagez donc avec des femmes, voilà à quoi l'on s'expose. Elle m'avait, de son vivant, rendu l'existence bien pénible, avec toutes ses jérémiades et ses lamentations. Et voilà, pour couronner l'œuvre. Du reste, je devais m'y attendre. Elle n'a pas voulu en avoir le démenti. Elle ne voulait pas fouler la terre d'Espagne. Elle ne la foulera pas. » Telle fut l'oraison funèbre que fit à cette pauvre martyre le bourreau qui l'avait fait mourir à petit feu, sous les coups de son despotisme et de sa brutalité. Car cet homme, en épousant cette douce créole de la Havane, élevé dans la mollesse, ce flexible roseau, pliant au moindre vent, ne l'avait regardé et compté que comme la pointe des 100 000 duros de dot que lui avait donné son père, riche marchand de la Havane. Note du traducteur. Duro, piastre, monnaie d'Espagne valant environ 5 francs. Fin de la note. Au bruit que l'on fit en entrant, l'enfant s'était réveillé, la négresse s'était relevée, et toutes deux fixaient les yeux sur ce cadavre, l'une avec l'étonnement de la stupidité, l'autre avec un effroi qui ne lui permettait pas de comprendre. Tout à coup, la négresse éclata en cris et en gémissements. « Maîtresse ! Pauvre maîtresse ! » s'écriait-elle. « Caramba, vas-tu te taire, stupide brute ? N'y a-t-il pas assez du bruit de la tempête et du tonnerre ? Si je t'entends encore, foi de Roquet, le fouet saura te faire taire !»« Allons, capitaine, » ajouta-t-il, « la chose est sans remède, et nous n'y pouvons rien. Je suis d'avis de descendre dans l'entrepont pour voir si mes caisses de cigares n'ont pas été mouillées. » »« Caramba, 500 caisses de cigares, cela représente un capital de 500 000 réaux. S'ils étaient avariés, j'aurais fait un voyage pour le roi de Prusse. » Le garçon de chambre suspendit le fanal au plafond de la cabine et tout le monde sortit, à l'exception de la négresse et de l'enfant, qui s'assirent sur une couchette en face de celle où reposait le cadavre. Après avoir pleuré à chaudes larmes, la négresse finit par s'endormir. Mais la petite fille ne détournait pas ses grands yeux noirs du cadavre de sa mère, qui, par suite des oscillations imprimées au fanal par le roulis du navire, tantôt se trouvait éclairé en plein et semblait s'élancer en avant, tantôt entrer dans une obscurité complète. « Mère, mère !» disait par intervalle l'enfant d'une voix douce et tremblante. Mais la mère ne répondait pas. « Elle ne me répond pas !» pensait l'enfant. « Et cependant, elle ne dort pas !» En effet, le cadavre, cédant au roulis du navire, tantôt semblait se précipiter sur l'enfant et la regarder avec des yeux grands ouverts que personne n'avait eu le soin de fermer, tantôt il allait frapper violemment contre les bordages du côté opposé. C'était une horrible scène de mort et d'abandon pendant une lugubre nuit de tempête que la vue du cadavre de cette malheureuse femme, à laquelle la triste destinée refusait même un coin de terre sainte pour y reposer. L'enfant ne se rendait pas compte de ce qui venait de se passer. Elle ignorait encore et le danger et la mort. Et cependant, une instinctive horreur la faisait s'effrayer de tout ce qui l'entourait. Elle avait peur des gémissements du vent, des mugissements des vagues, du sombre silence que sa mère persistait à garder. sans idée pour définir, sans parole pour exprimer ce qui se passait en elle, la pauvre enfant sentait pénétrer dans son âme un sentiment d'inquiétude et d'effroi qui devait y déposer à jamais une teinte lugubre et une impression mélancolique. Dans son esprit se présentaient, comme de vagues souvenirs, des paroles prononcées par sa mère en entrant dans cette cabine où elle venait de rendre le dernier soupir. En se couchant dans ce lit, l'infortunée s'était écriée « Oui, oui, cette couchette sera mon cercueil. J'y demeurerai, seule et abandonnée, sans un cierge pour honorer mon cadavre, sans une prière pour escorter mon âme. Adieu donc pour toujours, ô ma belle patrie. Adieu mes beaux arbres, plus verts que l'espérance. Adieu mes limpides ruisseaux. Adieu, oiseaux chéris qui m'égayaient de vos concerts. Adieu, amis de mon enfance, il faut vous quitter pour jamais. » Ces souvenirs, comme les sons affaiblis d'un solennel et lointain requiem, dont elle ne pouvait comprendre les paroles graves et mélancoliques, bourdonnaient aux oreilles de l'enfant. Mais le lendemain, elle vit envelopper sa mère dans un drap blanc, on attacha un boulet à ses pieds, et sa mère ne se réveillait pas. On la monta sur le pont, et l'enfant étonné suivit la mère sans que personne ne pensât à s'y opposer. Mais, lorsqu'en présence de la muette enfant, le corps fut précipité à la mer, oh alors, alors, le voile se déchira. La jeune fille poussa un cri désespéré et s'élança pour suivre sa mère. Heureusement, le capitaine la retint par sa robe et la descendit à la chambre, en proie à une effrayante attaque de nerfs. « De mieux en mieux, » dit Don Roque, en voyant l'état de sa fille. « On en a fini avec l'une, il va falloir recommencer avec l'autre. » L'enfant était encore fort malade lorsque le navire arriva à Cadix, où Don Roque de la Piedra comptait fixer sa résidence. Les médecins déclarèrent que le climat de Cadix, notoirement contraire aux affections de poitrine, ne pouvait convenir à la malade, dont la constitution débile réclamait une température plus douce. D'après un semblable avis, il lui semblait tout naturel que Don Roque, seul arbitre de ses actions, alla planter sa tente sous un autre climat. Il n'en fut pas ainsi. Cadix convenait à ses projets de spéculation, qui passaient bien avant la santé de sa fille, et il s'établit à Cadix. Mais il écrivit à un Américain de ses amis, et par Américain on entend, en Andalousie, tout homme arrivant d'Amérique, s'il n'est pas enfant du pays, il écrivit donc à un Américain de ses amis, établi à Séville, pour l'engager à venir à Cadix chercher la jeune fille, afin de la mettre au couvent à Séville et de l'y faire élever sous la surveillance de son ami.